بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 97 dans l'explication du livre Aqidatu Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah du Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen avec son charh. Et on est arrivé à la partie du livre où le Cheikh il dit, yani il explique le point où il explique, donc on réfute toujours l'argument des gens qui essaient d'utiliser le qadar comme une excuse pour justifier les péchés qu'ils font. Hein? Et donc, lorsqu'ils commettent un péché, ils disent c'est Allah qui l'a prédestiné ou des choses de ce genre. Et on a expliqué que yani, on n'a pas le droit d'utiliser le qadar pour essayer de justifier nos péchés et comme excuse pour nos péchés. Mais plutôt, qu'est-ce qui est obligatoire pour celui qui commet un péché, c'est de se repentir. Et si quelqu'un néglige ou bien il délaisse des choses obligatoires, il n'a pas le droit d'utiliser comme excuse de ça le qadar. Hein, en disant, ouais, mais c'est Allah qui ne m'a pas prédestiné que je fasse la salat ou que je porte le hijab ou que je fasse les choses obligatoires. On ne peut pas utiliser le qadar pour ça, puisque le qadar c'est quelque chose qui est inconnu de nous. C'est-à-dire ce que Allah a écrit pour nous, on ne peut pas le savoir sauf après que ce qu'il a écrit, sauf après que la chose se soit produite. C'est-à-dire après que la chose se soit réalisée. Et une fois qu'elle s'est réalisée, eh bien là, on peut savoir que c'était quelque chose qui avait été prédestiné. Mais n'empêche qu'on a l'obligation de faire ce que Allah nous ordonne et de délaisser ce qu'il nous a interdit. Et donc ici, le cheikh, il mentionne un exemple. Il dit « Wa naqulu lil aasi al-muhtaj bil-qadar. Limadha lam tuqdim ala ta'ati muqaddiran anna Allah qad katabaha lak ?» فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. Donc le cheikh il explique ici, juste pour je vais mentionner ce qui est dit, puis je peux me référer en même temps à la traduction de ce point-là. Donc le cheikh il explique, il dit, et nous disons à celui qui commet les péchés, pourquoi tu n'as pas mentionné par rapport à l'obéissance la même excuse que tu as mentionnée, par exemple, pour le fait que de la négligence ou du péché que tu as fait. Comme par exemple, la personne qui commet le péché ou qui néglige ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Quand on lui dit de cesser de faire le péché, ou quand on lui dit, par exemple, de faire ce que Allah a ordonné, qu'elle ne fait pas, elle dit, Allah ne l'a pas écrit. Hein? Elle dit, Allah ne l'a pas prédestiné. Ou bien, Allah a prédestiné que je fasse ce péché-là. Alors qu'en réalité, hein, elle ne peut pas savoir ce qui a été prédestiné avant que la chose se soit produite. Et donc, si par exemple, la personne qui fait l'obéissance et qui obéit à Allah, hein, elle dit, ça c'est Allah qui l'a prédestiné pour moi. Hein? Elle peut mentionner le qadar pour dire que ce qu'elle fait, c'est Allah qui l'a prédestiné pour elle. Donc pourquoi la personne, au lieu de dire, quand elle fait des péchés, d'utiliser l'argument du qadar, pourquoi elle ne fait pas ce que Allah a ordonné, puis par la suite mentionner que c'est quelque chose que Allah a prédestiné? Puisque de toute façon, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, que ce soit dans qu'est-ce qui est ordonné ou dans qu'est-ce qui est péché, on ne peut pas le connaître avant que la chose se soit produite. Donc, c'est comme si en voulant dire, cet argument que vous utilisez pour justifier l'abandon de l'obéissance ou le fait de faire des péchés, vous pouvez l'utiliser également pour l'obéissance. Et lorsque vous faites, qu'est-ce que Allah a ordonné? Et le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit ici, نَقُولُ لِلْعَاصِ لِمَذَا لَا تُقْدِمْ عَلَى الطَّعَةِ مُقَدِّرًا أَنَّ اللَّهَ تَعَلَى قَدْ كَتَبَهَا. Donc pourquoi tu dis pas, Allah a écrit que je fasse, ou a prédestiné que j'allais faire l'obéissance et que j'allais être obéissant, hein, avant d'avoir fait l'action? Puisque tu sais pas si Allah l'a écrit ou non pour toi. Et donc il dit kama aqdamta ala al-ma'siyati muqaddiran anna Allah qad katabaha lak. Idh la farqa bayna hadha wa hadha, fal kullu ghayru ma'lumun 'indak. Tu sais pas que Allah il a prédestiné pour toi le péché et tu sais pas non plus si Allah a prédestiné pour toi l'obéissance. Pourquoi tu ne dis pas dans ce cas-là que Allah a prédestiné pour toi l'obéissance? Pourquoi tu prends toujours le côté du péché? Il dit de toute façon, les deux sont ignorants. Les deux choses sont ignorées de toi puisque tu ne sais pas ce que Allah a prédestiné pour toi avant que la chose soit réalisée. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit wa idh la farqa bayna hadha wa hadha. Il n'y a pas de différence entre ce qui est l'obéissance ou ce qui est interdit par rapport à ton ignorance de ce qui a été prédestiné. Les deux choses sont ignorées de toi. حيث لا تعلم أن الله قدر عليك الخير أو الشر إلا إذا وقع. Tu peux pas savoir si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour toi le bien ou s'il a prédestiné pour toi le mal, excepté une fois que la chose s'est produite. Hein? Il dit فنقول لماذا لما هممت بالمعصية ولم تقدر أن الله كتب لك أو لم تقدر نعم لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة فتعملها إذ لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك وبذلك بطلت حجتك ونقول أنت إذا قدرت أن السيئة كتبت لك فقد أسأت الظن بالله ورأيت نفسك لست أهلا للعبادة ولماذا فلماذا لم تقدر أن الله كتب كتبك من المتقين فتتق الله فأنت الآن قدرت أن الله كتبك من السيئين العاصين فهذا لا حجة لك فيه. Donc lorsque par exemple quelqu'un il a l'intention de faire un péché, hein, et puis il dit par exemple mais Allah il a prédestiné que j'allais le faire. Qui t'a dit que Allah a prédestiné que tu allais le faire? Pourquoi tu n'as pas pensé à l'avance déjà que au lieu de penser que tu allais faire un péché et de préméditer de faire un péché, pourquoi tu n'as pas prémédité de faire une bonne action? Pourquoi tu n'as pas pensé à faire ce que Allah a ordonné et dire que c'est ça que Allah a prédestiné pour toi plutôt que de penser que le mal a été prédestiné pour toi? Parce que qu'est-ce qui est grave aussi par rapport à ça, c'est que lorsque tu prétends que ce qui est prédestiné pour toi, c'est de faire le mal, eh bien, c'est comme si en réalité, tu avais pensé du mal d'Allah. Parce que tu as pensé que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a placé parmi les gens du mal, parmi les gens de la désobéissance, parmi les gens du péché. Au lieu de penser qu'il t'a placé parmi les gens de l'obéissance et de la piété. Et donc, tu as parlé à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et à propos du qadar sans science. Personne ne sait qu'est-ce qui a été prédestiné avant que quelque chose se soit produit. Ensuite, le Cheikh dit ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا أفلا نتكل وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Donc il dit c'est pour cette raison que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé les sahaba que chacun a son fauteuil ou sa chaise dans le paradis, hein, et chacun Allah lui a écrit sa place au paradis ou sa place en enfer. Et ils ont dit dans ce cas-là ne devons-nous pas juste se baser sur ce qui a été prédestiné et laisser tomber les œuvres et cesser de faire les actions? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, faites les œuvres et chacun, eh bien, il aura la facilité de faire la chose pour laquelle il a été créé. Hein? On va lui faciliter la chose pour laquelle il a été créé. Donc, faites les œuvres et mettez votre confiance en Allah et faites des efforts pour faire le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous faciliter les causes du bien et il va vous donner votre place au paradis. Tandis que si vous, vous vous laissez aller et vous faites ce que vous voulez et vous suivez vos passions, eh bien, chacun va avoir ce qu'il mérite, ce que ça signifie. Et ici, le cheikh, il explique et il dit, par rapport au hadith qu'il a cité, ça c'est une partie d'un hadith, il dit, « Inna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, كان ذات يوم وابنته تدفن على شفير القبر، فقال: ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كتب في علم الله. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ ما دام الشقي كتب شقيا والسعيد كتب سعيدا، أفلا نتكل؟ فقال: لا. ثم ذكر جملة: لو اجتمع أكبر الفصحاء على أن يعبروا بمثلها، يعني اختصارا واقتناعا، ما استطاعوا. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنت إذا عملت فأنت ميسر لما خلقت له، فلا تتكل على الكتاب. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهو فعل اختياري، فأعطى أي فعل المأمور، لأن فيه تكلفا للفعل، فهو بذل النفس. واتقى أي المعاصي، وصدق بالحسنى أي التصديق بالأخبار. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى من عليك بالإعطاء والاتقاء والتصديق بالأخبار، فأبشر أن الله سييسر لك اليسرى، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَى. وقد قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Donc ici le cheikh il explique ensuite par rapport au contexte du hadith qu'on a cité. Il dit qu'il était en train c'était l'enterrement d'un de ses enfants qui était mort, et à ce moment-là il a dit: chacun, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour lui la place qu'il aura, soit dans le paradis ou dans l'enfer. Alors, c'est-à-dire que cela a été écrit dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait déjà à l'avance où est-ce qu'il va. Est-ce qu'il va au paradis, est-ce qu'il va en enfer. Allah, il le sait déjà ça. Et donc, les sahaba ont dit: ô messager d'Allah, si c'est ainsi, si Allah, il sait déjà qui sera au paradis, qui sera en enfer, qui sera heureux, qui sera malheureux, dans ce cas-là, pourquoi on ne s'assoit pas puis on reste assis en se basant juste sur la science d'Allah, et cesser de faire les œuvres juste du fait que tout a déjà été écrit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu non. Et il a mentionné dans une phrase, il dit: même si les hommes les plus éloquents au monde essayaient de répéter et de dire cette chose d'une façon plus résumée pour convaincre les gens, ils ne seraient pas capables. Il a répondu d'une manière courte, en peu de mots et d'une manière convaincante et claire. Il a dit: faites les œuvres, car chacun, on va lui faciliter ce pour quoi il a été créé. C'est-à-dire que toi, tu vas faire la chose pour laquelle tu as été créé et ça va être facilité pour toi. Donc, ne te base pas seulement sur la science d'Allah et sur le livre. Fais les œuvres. Et il a mentionné le verset dans Surat Al-A'la, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quiconque donne en sadaqa et fait preuve de piété, qui se préserve des péchés et qui croit en al-husna, c'est-à-dire qu'il croit en ce qui a été révélé, des bonnes paroles et de bonnes choses, et qui croit en l'au-delà, on va lui faciliter le bien, on va lui faciliter de faire les bonnes œuvres. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comme exemple, comme par exemple a'ta wa taqa, c'est des choses que quelqu'un fait de façon volontaire. Il donne en sadaqa, il se préserve des péchés. C'est des choses qu'il fait lui-même, des choses qu'il fait lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser en lui facilitant le bien à cause de ça, parce qu'il fait du bien, donc Allah lui facilite le bien. Et donc si tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la faveur de faire des bonnes œuvres et de faire des dons et de te préserver des péchés et de croire en ce que Allah a révélé et ainsi de suite, alors réjouis-toi que Allah t'a facilité le bien. Et comme il a dit également par la suite, Dans un autre verset, il mentionne وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ. Hein, dans Surat Al-A'la. Donc, il dit ensuite وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Tandis que celui qui a été avare et qui s'est senti suffisant à lui-même et qui a démenti, hein, qui a traité de mensonge les belles choses, les choses vraies, la vérité et la révélation, on va lui faciliter la difficulté et les choses, hein, les choses mauvaises, parce qu'il a choisi une mauvaise voie. Hein. Et donc, faites les œuvres. C'est ça le point ici qui est clarifié dans ce hadith-là. Faites les efforts et faites les œuvres. Ne te base pas sur le qadar. N'essaie pas de te baser sur ce qui a été prédestiné. Et n'essaie pas de te baser sur ce qui a été écrit de la science d'Allah. Parce que ce qui a été écrit dans Allah al-Mahfouz, tu ne le sais pas toi. Tu ne le connais pas. Et tu ne le sais pas à l'avance. Tu sais seulement ce qui a été écrit une fois que les choses se soient produites. Hein? Ce qui est arrivé dans ta vie, depuis que tu es né jusqu'à maintenant, hein, tout ça, ça a été écrit par Allah. C'était écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans une heure, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 100 ans? Allah seul le sait. Et donc, toi, tu ne peux pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va t'arriver. Où est-ce que tu vas être? Mais l'important, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Et qu'est-ce que tu choisis de faire maintenant? Et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as comme intention maintenant de faire par rapport à ta foi et par rapport à ta religion? Un autre point que le cheikh a mentionné ensuite, il dit وَنَقُولُ لِلْعَاصِي الْمُحْتَجِ بِالْقَدَرِ لَوْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّفَرْ لِمَكَّةِ فَكَانَ لَهَا طَرِيقَانِ أَخْبَرَكَ الصَّادِقُ أَنَّ أَحَدَهُمَا مخوف وصعب والثاني آمن وسهل فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي لو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين. Ça c'est un argument, tu peux pas argumenter, tu peux pas débattre avec cet argument là. Parce que c'est clair que c'est tellement simple à comprendre et tellement évident en même temps. Le cheikh, il dit, si tu regardes la personne qui justifie ses péchés ou qui essaie de justifier ses péchés en mentionnant le qadar, ou qui dit, je ne fais pas la salat parce que Allah il a prédestiné pour moi, ou je ne fais pas ce que Allah a ordonné parce que Allah l'a prédestiné, ou quand il fait des péchés, il dit, c'est Allah qui l'a prédestiné. Il donne l'exemple. Il dit, imagine quelqu'un, par exemple, qui vient te demander, par exemple, le chemin vers Mecca. Et tu lui dis, il y a deux chemins pour aller à Mecca. Il y en a un, il est très, très dangereux et très difficile et très compliqué. Hein? Et il y a un deuxième chemin pour aller à Mecca qui est très sécuritaire et très facile. Alors, c'est évident et c'est certain que la personne, elle va choisir, hein, le deuxième chemin. Celui qui est facile et sécuritaire. Elle ne va pas choisir volontairement de prendre le chemin qui est difficile et dangereux sans raison. Hein? Sinon, on dirait de cette personne que c'est une personne qui est parmi les fous. Hein? Qui est parmi les fous. Et donc, l'exemple de ça, c'est comparable à l'exemple de quelqu'un qui est dans cette dunya. Tu lui dis, il y a deux chemins pour l'au-delà. Il y a un chemin qui est un chemin du bien. Hein, et que si tu l'empruntes, ce chemin-là, tu vas aller au paradis. Et l'autre chemin, c'est un chemin des péchés et des tentations. Mais si tu le prends, tu vas aller en enfer. Et après, la personne, elle a le choix de prendre un ou l'autre. Mais comme le cheikh, il a dit par rapport à l'exemple qu'il a donné par rapport au chemin pour aller à Mecca, il dit, si quelqu'un... Quand tu lui as dit, il y a deux chemins pour aller à Mecca, un qui est sécuritaire et un qui est facile, et l'autre qui est dangereux et qui est difficile. Si la personne, elle dit, ouais, mais Allah, il a prédestiné que je prenne le chemin difficile. Tu lui dis, ça c'est pas normal. Comment tu peux savoir que Allah a prédestiné quelque chose pour toi avant même que la chose soit faite? Tu ne peux pas argumenter comme ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que tu n'y a rien qui t'empêche de prendre le chemin facile et le chemin qui est sécuritaire, au contraire. C'est ça qui est le mieux pour toi. Et donc, si la personne elle veut utiliser le qadar pour justifier son choix de prendre le chemin qui est difficile et de prendre le chemin qui est mauvais, le chemin qui est dangereux, eh bien, en réalité, elle fait quelque chose qui n'est pas raisonnable, quelque chose qui n'est pas logique. Et la même chose pour la personne, quand tu lui dis, écoute, ce chemin-là, hein, si tu le prends, tu vas aller en enfer. C'est le chemin vers l'enfer. Hein? Et l'autre, c'est le chemin vers le paradis. Si tu le prends, tu vas aller au paradis, c'est certain. Logiquement, la personne qui est intelligente, elle ne va pas prendre le chemin vers l'enfer. Hein? Elle va prendre le chemin vers le paradis. Et elle ne peut pas dire, ouais, mais c'est Allah qui m'a prédestiné que je veux prendre le chemin vers de l'enfer. C'est toi qui as le choix. Allah t'a donné le choix de prendre le chemin qui est le bon chemin. Si tu décides volontairement de prendre le chemin vers l'enfer, ça prouve qu'il y a un problème dans ton intelligence, hein, aussi en même temps. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dans sourate Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit, c'est-à-dire les gens de l'enfer à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils disent? لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. C'est-à-dire, si on avait écouté et qu'on avait utilisé notre raison, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, on n'aurait pas été parmi les habitants de l'enfer. Ça prouve que à ce moment-là, les gens de l'enfer, ils reconnaissent que la raison pour laquelle ils sont en enfer, c'est parce qu'ils ont été, hein, qu'ils n'ont pas été intelligents, qu'ils n'ont pas utilisé leur raison. Et le cheikh, il explique cet exemple aussi. Il dit, fa insanun yusafiru, hein, fa insanun sayusafiru ila Makkah, fataqulu lahu, idha safarta ma'a at-tariq al-aysar, fa innahu sa'bun wa mukhif. Hein? يعني مبتلئ بقطاع الطريق وممتلئ أودية وجبالا فهو خطر عليك والثاني الأيمن سهل ومعبد وآمن ميسر فقال سأذهب مع الطريق الأيسر تقول له لماذا؟ فقال إنه مقدر ومكتوب علي سيقول الناس إنه مجنون وسفيه كيف يسلك الطريق المخوف وعنده الطريق السهل الآمن. Donc le cheikh il dit, l'exemple il la répète en même temps, il dit, yani, s'il y a deux chemins, un chemin vers Mecca qui est à droite, hein, et un chemin qui est à gauche. Le chemin qui est à gauche, c'est un chemin difficile. Un chemin dangereux, rempli de voleurs, de brigands, hein, rempli de dangers, des montagnes, des vallées. Et donc, c'est un danger pour toi. Et le chemin à droite, c'est un chemin qui est facile, qui est bien aplani, qui a été bien fait, qui est sécuritaire et qui est facile. Et quand tu lui dis, il dit, ben moi, je vais prendre le chemin de gauche parce que, quand tu lui dis, ben pourquoi? Il dit, ben parce que c'est Allah qui l'a prédestiné pour moi. Hein? Les gens, ils vont dire ça, c'est une personne stupide. C'est une personne qui ne réfléchit pas. Elle n'utilise pas sa tête. Hein? Comment elle peut choisir le chemin qui est dangereux et épeurant et laisser le chemin qui est simple et facile? Ou bien c'est la même chose que si tu dis à quelqu'un, écoute, si tu veux aller, par exemple, on est sur une île, puis tu veux traverser pour aller l'autre côté, sur l'autre rive. On dit, écoute, tu peux prendre le pont et traverser, ou bien tu peux nager, partir à la nage. Hein? Et lui, il dit, ah ben je vais prendre la nage. Et tu lui dis, mais pourquoi? Le pont, il est bien, il est sécuritaire, tu vas arriver, il n'y a pas de danger, tu ne vas pas te noyer, tu vas être correct. Il dit, mais Allah, il a prédestiné que je prenne que je nage. Yani, ça, c'est de parler sans science, hein? Et de dire des choses qui ne font pas de sens. Donc le cheikh il dit ثم يقول مكتوب علي فالآن أمامك طريقان بينهما الله عز وجل بينهما الله عز وجل لك قال تعالى وهديناه النجدين أي دللناه على الطريقين، طريق سهل آمن واضح غايته رضا الله والجنة، وطريق آخر مخوف كله قطاع طريق وشوك وشياطين وغيرهم أيهما يسلك الأول. فكما أنه طلب الشرع طلب الشرع فكأن فكما أنه طلب الشرع فهو أيضا مقتضى العقل، لكن هؤلاء نسأل الله العافية زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وقد قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني القرآن، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نسأل الله العافية، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، آمين. Donc ici le cheikh il explique l'exemple par rapport à qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit c'est la même chose, qu'est-ce qu'il y a devant toi, ces deux chemins. Et Allah il te les a clarifiés tous les deux en disant wa hadaynahu an-najdayn, hein, dans sourate al-Balad, le verset 10. Et nous l'avons guidé dans les deux voies. Donc il dit nous avons montré et clarifié les deux chemins, un chemin qui est facile et sécuritaire et clair, et le but de ce chemin-là c'est l'agrément d'Allah et le paradis. Et l'autre chemin, qui est un chemin dangereux, hein, et épeurant, et yani, tout ce qu'il y a dedans, c'est des gens qui vont t'empêcher d'avancer, des brigands, des dangers, et des épines, et des diables, hein, qui vont t'égarer et t'essayer de t'éloigner de tout ce qui est bien. Lequel des deux tu prends, hein? Donc, de la même manière, si tu prends ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a légiféré et selon également ce que Allah t'a donné comme logique et comme raison, tu dois être capable de comprendre que ce que tu dois suivre, c'est le chemin vers l'agrément d'Allah et vers le paradis. Sauf que si quelqu'un, son cœur, il est dévié, eh bien, Allah l'égare parce qu'il s'est aveuglé lui-même. Et il mentionne le verset 44 dans Sourate Fussilat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit قل dit au Muhammad هو للذين آمنوا هدى وشفاء, dit c'est pour les croyants une guidance et une guérison. Donc en parlant du Coran, il dit والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى, il dit tandis que ceux qui ne croient pas, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, tandis que ceux qui ne croient pas au Coran, c'est comme s'il y avait une sourdité dans leurs oreilles et ils sont frappés d'aveuglement. Nasallallahu al-afiya. Donc il dit ensuite le Cheikh, wa naqulu lahu aydan, law urida alayka wazifatan. إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو أدنى ثم تحتج بالقدر. Donc il dit le cheikh, yani, c'est comme si par exemple on te proposait de faire un job, hein, un travail, et les deux, hein? On te propose, hein, un travail, puis les deux, on te propose ces deux emplois, mais il y en a un, il paye le double de l'autre, par exemple. L'autre job, il t'offre, par exemple, on va dire, $500 par semaine, et l'autre job, il t'offre $1000 par semaine. Et toi, tu vas choisir celui qui t'offre $500 par semaine, puis tu vas dire, ah, mais c'est le qadar. Allah, il m'a prédestiné que je prends $500 seulement. Tu ne peux pas dire ça. Hein? C'est parler sans science de dire une chose pareille. Et c'est illogique que quelqu'un refuse de gagner plus pour le même travail qu'il va faire volontairement. C'est ridicule de pas choisir de gagner plus si, hein, tu as la possibilité de gagner plus. Et donc, ça, c'est un exemple qu'il donne pour comparer avec le travail de l'au-delà. Parce que quand, en fait, tu fais des bonnes œuvres dans cette vie d'ici-bas, eh bien, si tu as la foi et tu crois en Allah, tu sais que dans l'au-delà, tu vas avoir ton salaire pour qu'est-ce que tu as fait comme bonne action et comme bonne œuvre. Tandis que dans l'au-delà, celui qui n'a pas cru n'aura pas rien, n'aura pas de récompense, au contraire, il va être puni. Et donc, tu as le choix dans cette vie de choisir ce qui va t'amener la meilleure récompense ou de choisir ce qui va ne t'apporter que le châtiment. Et si tu choisis le châtiment volontairement, ça veut dire que tu n'as pas utilisé ta logique. Tu n'as pas utilisé ta raison. Et comme le cheikh il dit, هذا لا نخاطب به الكافر فقط بل حتى المؤمن الكسول نخاطبه به لو عرض عليك وظيفتان إحداهما المرتب لها 10,000 والثاني 5,000 ستختار الأولى بلا شك ولهذا حتى الذي لا يحصل إلا على 5,000 كلما جاءت وقت الترقية يطالب ويتعب في المطالبة وهذا باعتبار الواقع لا باعتبار الموافقة فأنا لا أرى أن الموظف يطلب الترقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك فلا تطلب ترقية لأن المال في الحقيقة من المال العام الذي هو من مال المسلمين عموما. Donc le cheikh il explique que si quelqu'un par exemple il dit ça c'est pas juste pour l'exemple entre le croyant et le mécréant, même pour les musulmans entre eux on peut donner cet exemple. Si un croyant par exemple il est paresseux, on peut lui donner cet exemple là aussi. Ainsi on t'offre deux emplois et que yani, un on va te donner par exemple 5 000, l'autre un on va te donner 1 000 et l'autre te donne 5 000. C'est sûr que tu vas choisir le job qui te donne un qui te donne 10 000 et l'autre qui te donne 5 000. C'est sûr que tu vas choisir celui qui t'offre 10 000 plus que celui qui te donne 5 000. Et donc le cheikh il explique cela comme un exemple pour dire que tu dois faire plus d'efforts. Hein? Si tu veux avoir plus de salaire. Et plus que tu fais des efforts, plus que tu auras de l'argent. Ou bien plutôt, plus que tu auras des récompenses dans l'au-delà. Et il dit, en parlant de ça, il donne un exemple par rapport au salaire dans la dunya aussi. Lorsque quelqu'un il travaille, par exemple, dans une fonction publique, par exemple. Il dit, il y a des gens qui demandent des augmentations de salaire. Hein? Et il se fatigue à demander des augmentations de salaire. Et il dit, le cheikh, que. Il dit, moi, je considère qu'un employé ne devrait pas demander une augmentation de salaire. Il dit, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui te vient de l'argent qu'on te donne, sans que tu le cherches et sans que tu le demandes, prends-le. Ce qui te vient de l'argent, sans que tu cherches à la voix des gens, sans que tu le demandes aux gens, si on te le donne, prends-le. Mais ne suis pas ton âme dans ça, hein, de chercher à avoir plus ou de demander aux gens de te donner plus. Donc il dit, le cheikh ne demande pas d'augmentation. Il dit parce que l'argent, en réalité, fait partie des biens généraux qui appartiennent aux musulmans. Et donc, tu ne dois pas chercher à en avoir plus. Si on t'offre plus, c'est-à-dire le responsable ou le patron, il t'offre un salaire plus élevé, alors prends-le. Mais va pas toi aller pour demander une augmentation. Donc pour terminer, le cheikh il dit, « فالحاصل أننا نقول لهذا الرجل الكسول لو عرض عليك وظيفتان إحداهما أكبر مرتبا وأخذت الأكثر فكيف تختار الأفضل في أمر الدنيا ولا تختار الأفضل في أمر الآخرة؟ هذا دليل واضح. والعجيب أن هؤلاء المحتجين بالقدر وهم الفساق والعصاة، يعني تجدهم أكثر الناس مسابقة في أمور الدنيا، يطالبون بالترقيات ويختارون الوظائف الكبيرة، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يحتجوا بالقدر. وعليكم السلام ورحمة الله. فهم يحتجون بالقدر في شيء ولا يحتجون به في شيء آخر. Donc le cheikh, il dit, c'est ça qui est étonnant. Il dit, la personne qui est paresseuse dans sa religion, si on lui donnait le choix entre deux emplois, un qui a un gros salaire et un qui a un petit salaire, il dit, c'est certain qu'il choisirait celui qui a le plus gros salaire. Alors, comment ça se fait que pour les choses de la dunya, tu choisis ce qui est meilleur pour toi, des affaires de la dunya, et dans les affaires de l'au-delà, tu choisis pas ce qui est meilleur? Les affaires de la religion, tu ne choisis pas ce qui est meilleur. Et ça, c'est une preuve claire, hein, que la personne, en réalité, elle suit sa passion. Hein? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, c'est étonnant de voir que les gens qui, parmi les gens qui essaient de justifier leur péché ou d'utiliser le qadar comme argument pour justifier leur péché, en général, c'est les pécheurs qui font ça. Il dit, tu vas trouver que ces gens-là, ils vont faire la course pour les choses de la dunya. Et pour essayer d'avoir toujours des augmentations dans leur salaire et avoir plus d'argent. Et ils courent vers les meilleurs emplois et les jobs les plus payants et les plus valorisants et ainsi de suite. Et c'est impossible qu'un jour, ces gens-là utilisent le qadar pour justifier qu'ils n'aient pas un bon salaire. Hein? Alors, comment ça se fait qu'ils utilisent le qadar comme excuse pour justifier les péchés qu'ils font, hein? Ça, c'est inacceptable. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et au prochain cours, on expliquera la suite. On a presque fini ce chapitre. On a presque terminé le chapitre de l'Iman bil Qadar. Il nous reste que quelques points à clarifier. Et je pense que, bi'idhnillah, la semaine prochaine, on aura le temps de terminer yani al-iman ou bil-qadar la semaine prochaine, incha'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.